Littérature présente Ballon chasseur, jukebox et autres questions existentielles par Judith Poirier. Depuis plus de 20 ans, Judith Poirier offre des récits à la fois vifs, tendres et insolites. Avec aussi quelques chansons vintage, vous avez là un parcours de vie, un parcours de contes plein de questions et de rebonds. Un spectacle présenté dans le cadre du festival Contes jeunesse, organisé par les Amis imaginaires. Ce soir, à l'aérospatiale, un livre jeunesse sur l'art moderne du Québec, un entretien avec le peintre Jérémy Saint-Pierre et une chronique en duo sur l'exposition Recoudre au Centre Materia. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Carreau à la barre de cette émission du 14 novembre, et c'est vraiment avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour une émission toute diversifiée, à la fois en entretien, en critique et en littérature aussi, car on va débuter cette émission avec, en parlant du livre Jeunesse, Ma visite au musée L'art moderne du Québec, en compagnie de Anne-Marie Bouchard, qui est conservatrice de l'art moderne au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Vraiment un ouvrage extrêmement intéressant qui s'adresse, oui, on va le voir, aux enfants, mais Anne-Marie me disait d'entrée de jeu, un peu plus même aux parents. Alors, on va découvrir ça avec elle tout à l'heure, en début d'émission. Par la suite, j'aurai une discussion avec le peintre Jérémy Saint-Pierre qui expose actuellement à la galerie Michel Guimond « Manifesté du mirage » et c'est jusqu'à dimanche. Alors, on va découvrir ensemble le travail de ce jeune peintre qui présente une toute nouvelle série de tableaux et d'œuvres sur papier. On va discuter bien sûr de cette nouvelle présentation-là, mais aussi un peu de son travail, bien sûr. Et en deuxième moitié d'émission, on va discuter avec nos deux chroniqueurs, Anne-Sophie Homère et Émilie Porakia, pour parler de cette très belle exposition duo, donc Recoudre au Centre Materia, qui nous présente le travail de Carole Baillargeon et de Mireille Racine, donc qui est chapelière, elle, et Carole Baillargeon, elle, de son côté, joue à la fois entre les arts visuels et les métiers d'art. Donc, on va découvrir ça ensemble. Les deux sont allés voir cette exposition-là, mais ne se sont pas parlé. On va découvrir, voir s'ils ont les mêmes choses ont retenu leur attention. Alors, on se disait un duo expo, ben en expo, bien une chronique en duo, ça serait tout indiqué. Et bien sûr, je vais aussi vous parler d'une ou deux actualités en fin d'émission, en plus de faire le survol des événements à ne pas manquer cette semaine. Et la sélection aujourd'hui de Simon Roy, en tout cas fait avec mon grand bonheur, c'est le tout nouvel ouvrage de l'orchestre d'orchestre Bill Automobile sous l'étiquette P572, dont je vous ai parlé un petit peu en fin d'émission la semaine dernière, cette espèce d'encyclopédie non exhaustive du travail de Lodo qui est sur disque maintenant. On va découvrir quelques extraits ce soir et justement, on le fait immédiatement en commençant avec le retour du printemps. Je suis en compagnie de Anne-Marie Bouchard. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Audrey. Alors, pour rappeler, tu es conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec et tu viens tout juste de lancer avec l'illustrateur Julien Chung ce magnifique ouvrage, Ma visite au Musée de l'art moderne du Québec, qui est un ouvrage jeunesse. Et comme je disais d'entrée de jeu, oui, qui est très plaisant pour les enfants, mais je pense qu'on se découvre un plaisir coupable en tant qu'adulte, en tant que parent, à regarder ce magnifique livre qui est très, très complet. Mais bon, partons du début ici. Comment ce projet-là est né au juste? En fait, il y a un de mes cousins qui travaille pour Flammarion qui avait entendu dire que les éditions Ozou à Paris qui font de plus en plus de publications sur le Québec depuis des années, ont une collection dédiée au Québec, souhaitaient faire un livre sur l'histoire de l'art du Québec. Donc, le chemin s'est fait assez naturellement. Il m'a fait entrer en contact avec les gens chez Ozou. Et puis, on s'est tout de suite super bien entendu sur ce qu'il fallait faire, en fait, c'est-à-dire essayer de faire une sélection qui a été quand même extrêmement pénible, mais une sélection d'une trentaine d'artistes, d'une trentaine d'œuvres importantes de l'art moderne du Québec, de la collection du MNBAC, pour arriver à donner, à faire vivre un parcours, en fait, au musée à des enfants qui n'ont pas nécessairement l'occasion de venir, en fait, à Québec aussi et de venir découvrir la collection. Et ça tombe bien, en plus, parce que là, les salles d'art moderne sont fermées, donc ça permet de le vivre par procuration, même pour les gens de Québec actuellement. Oui. Et justement, là, tu disais que c'était assez pénible. Comment s'est passée cette sélection-là, en fait? Parce que 30 œuvres, j'avoue que c'est pas évident parce que la collection est assez riche quand même en matière d'art moderne. Oui, mais en fait, pour moi, c'était d'autant plus pénible que, moi, ça fait 3 ans que je suis au musée. Évidemment, le musée a son historique, sa manière de voir les collections qui changent au fur et à mesure des conservateurs. Puis moi, j'ai des choses que je veux faire ressortir de la collection qui sont pas nécessairement les même que mes prédécesseurs ont fait ressortir. Donc, je ne vois pas les choses de la même façon. Et là, ma visite au musée est un livre publié sur l'art moderne, mais bientôt, il va en avoir un pour adultes, le guide des collections d'art moderne sur lesquelles je travaille actuellement. Donc, les deux se recoupaient. Il y avait moins de possibilités pour celui-ci. Il y avait juste 30 œuvres et non pas 72. Mm-hmm. Et je voulais qu'il y ait des femmes. Je voulais qu'il y ait des gens issus de l'immigration, parce qu'il y a beaucoup d'artistes juifs à Montréal qui sont arrivés de la Roumanie, de la Pologne. Je voulais qu'il y ait des gens de partout, puis des gens qui soient allés partout sur le territoire québécois aussi. Donc, j'aurais pu me contenter d'utiliser le canon de l'histoire de l'art du Québec, puis de remettre les mêmes noms, essentiellement des hommes blancs francophones, mais j'avais envie de brasser ça un peu aussi pour permettre aux enfants de vivre quelque chose de plus large à travers ce livre-là, puis d'arriver un peu comme les petits personnages de Julien, à se reconnaître dans certains types d'œuvres, à avoir envie d'interagir avec d'autres, à être inspiré par certaines choses. Donc, il y en est pour tout le monde. C'était vraiment ça l'objectif. Oui, puis c'est vraiment à la fois, on a des classiques aussi, des incontournables de cette collection-là, mais on fait de belles découvertes aussi et peut-être des redécouvertes de certaines œuvres qu'on a vues. Bon, moi, c'est pas, je m'en souviens, j'ai travaillé au musée, mais reste que tout de même, il y a eu une belle sélection. C'est une diversité de genres aussi, principalement de la peinture que tu as sélectionnée, mais il y a aussi une photo. Oui. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi que tu aies été chercher cet élément visuel-là, parce que la photo, c'est quand même 2D aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené aussi à aller chercher cette photographie-là? Bien, en fait, il y aurait pu en avoir plus, mais je pouvais pas non plus perdre de vue que il y a un attrait pour la couleur dans un livre pour enfants, tout ça. Donc j'avais essayé d'en mettre plus au début, des photographies noir et blanc, et puis ça fonctionnait plus ou moins bien parce que ça venait comme un peu interférer avec la vision que Julien avait dans le livre. Donc on s'en est tenu à la peinture parce que ça permet aussi, comme tu dis, d'aborder tous les genres. Je voyais pas comment je pouvais passer à côté de Maurice Perron parce que c'est vraiment une personne qui a eu une contribution d'importance. Je viens de faire des nouvelles acquisitions. Il y a aussi une production qui est moins connue que Danse dans la neige avec Françoise Sullivan. Mais je pense que c'est un artiste que j'avais envie de mettre à l'avant-plan aussi parce que je venais juste de faire des acquisitions et ce que j'avais dans mes nouvelles acquisitions, c'était des photographies de ses enfants, de sa famille, de l'intimité, du quotidien. Puis j'avais tellement l'impression qu'il y avait un langage pour parler aux enfants à travers son travail, quelque chose... la posture de François Sullivan juste dans la photo. Oui. Il y a quelque chose d'enfantin dans tout ça. Donc, je savais que ça allait intéresser les enfants aussi. Là. Oui, bien sûr. Et comment tu as élaboré, une fois la sélection faite, comment tu as abordé chacune de ces œuvres-là? Parce que, tu sais, il y aurait des fois beaucoup de choses à dire. Des fois, même, on en voudrait plus, enfin, comme lecteur plus adulte. Mais reste que quand même, ça, c'est pas évident, ça non plus. Non, bien, en fait, j'ai demandé à ma collègue Valérie Allard, qui s'occupe des visites guidées pour les groupes scolaires, si elle avait des scénarios de visite pour certaines œuvres majeures, comme le Coquelicorne de Dallaire, par exemple, pour que je puisse voir un peu comment les œuvres étaient abordées déjà dans les visites scolaires au musée. Mais il y en avait beaucoup des œuvres de ma sélection qui ont jamais été abordées dans le cadre de visites scolaires. Donc, j'ai eu besoin des deux cobayes qui sont à la maison, donc les enfants de mon conjoint qui ont 7 et 9 ans puis qui sont en plein dans la tranche d'âge qui est visée par le livre. Donc, je leur amenais des reproductions d'œuvres de John Lyman ou de Jory Smith ou de Clarence Gagnon. Puis je leur mettais sur la table, puis j'attendais de voir leur réaction. Puis qu'est-ce qui ressortait en premier, si c'était des réactions des fois très radicales, parfois vraiment plus d'analyse, d'observation, plus posée. Puis c'était tellement intéressant que, en fait, ils m'ont vraiment beaucoup inspirée dans mon travail, tout comme les enfants au musée aussi. Là, j'allais voir des visites guidées, puis je me plongeais un peu de loin en les regardant interagir avec les œuvres. Mais les enfants ont toujours on dirait qu'ils n'approchent pas les œuvres avec la même crainte que les adultes peuvent avoir. Ce qui fait qu'ils ne vont pas se gêner pour gigoter devant un Riopelle puis essayer de mimer les gestes du peintre. Genre de choses que les adultes, on est tellement on est tellement pas désinhibé devant les œuvres d'art qu'il y avait quelque chose pour moi à apprendre aussi en tant qu'historienne là-dedans, de changer mon regard puis d'essayer de pas intellectualiser, mais de rentrer plus dans le mode des sensations. Oui, puis c'est intéressant parce que vraiment, ça donne, autant pour les enfants, ça amène à poser le regard sur certains aspects plus spécifiques de l'œuvre, mais ça donne à la fois des clés de lecture, des aptitudes. Je pense que c'est que ça permet de développer des aptitudes d'observation qui sont tout aussi valables pour les enfants que les adultes, comme on disait. Ça fait partie de ce que j'essaie d'apporter au musée là, depuis 3 ans, vraiment, c'est de modifier un peu le regard qu'on pose sur les œuvres dans la présentation des œuvres dans le musée même, parce que je pense que pendant des années, on a mis beaucoup l'accent sur la muséalisation, sur la catégorisation, sur le fait de vouloir créer une histoire de l'art qui soit cohérente avec une succession de mouvements. Puis en fait, c'est comme si on faisait comprendre aux gens qui viennent nous visiter que d'abord, avant que vous commenciez à regarder l'œuvre, on va vous faire lire un très long texte qui va vous prouver qu'il vous manquait les données pour comprendre l'œuvre. Mais il n'y a aucune œuvre d'art qui a été jamais créée pour ça, en fait. Toutes les œuvres d'art sont créées pour nous faire vivre des sensations quand on les regarde, pas pour avoir un texte littéraire à côté. Et donc, personnellement, je milite beaucoup pour les retirer de plus en plus, que ce soit devant des maîtres autels du 17e siècle ou que ce soit devant des œuvres d'art contemporains. Je pense qu'on a vraiment tout intérêt à laisser les gens ressentir ou pas ressentir d'ailleurs quelque chose devant les œuvres, mais qu'on soit de l'ordre de l'intuition, de se sentir attiré par quelque chose, s'ils sont pas d'aller voir le cartel, mais de pas systématiquement plaquer le savoir historien comme une obligation avant de passer à l'appréciation de l'œuvre. Puis ça, les enfants, ils font pas. Exact. Donc, pour moi aussi, c'est fascinant parce que au lieu de regarder un Maurice Colonne puis de commencer à raconter l'histoire de sa formation en Europe et blablabla, bla, bla, c'est hyper intéressant. Mais d'un premier coup, j'ai envie de dire aux enfants, ben voici, c'est un endroit juste à côté du musée, t'as une vue en plongée, c'est en plongée, c'est comme plongeon dans une piscine. Ce genre de choses, c'est plus intéressant. Puis même les adultes se rendent compte que, ah, j'ai peut-être le droit d'être candide en avant d'une œuvre d'art, moi aussi. Même en tant qu'historienne, après toutes ces années, je continue de penser que la candeur, c'est la meilleure approche pour une œuvre d'art. Là. Certainement, puis on n'est pas... Personne n'est niaiseux, là. T'sais, non, souvent, non, c'est, non, non. Moi, c'est ça, les gens arrivaient, puis c'est comme si automatiquement, en quelques secondes, ils devaient savoir ce que cette œuvre-là soit mettait en contexte, représentait, mais il faut le regarder, c'est ça. À le temps de l'observer, on capte plusieurs choses et on décode certaines choses et qui ne sont pas nécessairement mauvaises. On a toujours l'impression qu'il faut savoir. Il y a une lecture alors que ces œuvres-là peuvent être très, très ouvertes aussi. Oui, vraiment beaucoup. Puis en fait, c'est en train de changer tranquillement, pas vite. On essaie d'améliorer les façons de faire pour que ça devienne plus naturel aussi de venir au musée, parce que quand je dis dit que c'est un livre qui est presque plus pour les parents. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir filmer chaque enfant au musée, parce que moi, je les vois toute la semaine. Là. C'est tellement fascinant de voir des enfants, d'être aussi enthousiastes, d'être dans ce lieu, devant les œuvres, de les filmer, puis d'envoyer la vidéo à leurs parents mm-hmm. pour leur faire comprendre à quel point le seul frein à l'amour de l'art chez les enfants, c'est souvent les parents qui ont un frein à revenir au musée. Et c'est ça qui est profondément triste, parce que les parents ont le sentiment qu'ils n'ont pas les compétences pour venir voir les œuvres avec les enfants, alors que c'est tout le contraire. Puis qu'en s'abandonnant à la même naïveté puis à la même candeur que leurs enfants, eux vont faire des découvertes, ils vont découvrir des choses venant de leurs enfants. Puis ça ne peut que faire une visite qui est emballante pour toute la famille. Donc, il y a comme... J'espère que mon livre peut faire ce petit geste-là supplémentaire aux parents de dire « OK, ouais, il y a peut-être quelque chose que je peux aller faire avec mes enfants-là aussi. Pas, » pas se sentir dans un monde d'élite, là. C'est dépassé, mm-hmm. là. On n'est plus là. Non, du tout. Et bon, je vois le temps qui file. Et simplement aussi rappeler aux gens qu'il y a des... J'ai trouvé ça extrêmement intéressant aussi parce que ce n'est pas juste... on n'apprend pas juste, mais on met en pratique aussi parce qu'il y a des activités qui sont proposées à la fin du livre en rapport avec les apprentissages qu'on a fait ouais. en route. Fait que ça, c'est intéressant aussi parce que dans l'objet, d'habitude, les livres, on n'ose pas, on veut qu'ils restent beaux et tout, mais c'est quand même le fun, cette appropriation de vouloir dessiner aussi à l'intérieur du livre. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ouais, l'idée, c'est vraiment que tout... C'est quand même pour une assez large gamme d'âge enfantin. Là. Ça mm-hmm. peut aller vraiment du barbeau à... Il y a des définitions d'abstraction aussi pour les plus vieux, donc ça permet de trouver son compte. Puis c'est un livre, je pense, qui peut vivre dans la bibliothèque d'un enfant pendant plusieurs années. Il va y retourner pour différentes raisons à différents moments. Et très rapidement, est-ce que tu peux me dire comment a été la relation avec l'illustrateur aussi, bien ouais. sûr? En fait, avec Julien, ça a été plutôt drôle parce que moi, j'avais connu son travail par le biais d'un livre sur les comptines qui avait été offert à ma fille au Noël l'année passée. Puis je suis comme tombée complètement en amour avec son travail qui est plus moderne et moins naturaliste que d'autres illustrateurs. Puis c'est ça qui m'intéressait parce que je pensais que c'était un langage qui allait bien avec le type d'âge qu'on visait. Puis j'ai invité Julien et Valérie Ménard, l'éditrice de chez Ozu, à venir au musée. Ils ont fait une visite guidée avec un groupe scolaire. Julien a pris des photographies, a dessiné beaucoup dans le musée. Il y a plein de clins d'œil pour qui vient au musée et voit les petites mallettes de couleurs, mm-hmm. Les plumes utilisées devant le coq licorne. Ce sont tous des trucs que les guides font au musée avec les groupes d'enfants. Et donc, il s'est vraiment plongé dans le musée. On voit l'escalier suspendu du pavillon Pierre Lassonde. On voit plein d'éléments. C'est pas un livre où des enfants se promènent dans un monde imaginé. C'est vraiment les enfants qui se promènent dans le musée. Puis il y a plein de détails super raffinés que Julien a intégrés, là, des petites choses que lui avait remarquées. Puis ça a été super intéressant. C'est juste que moi, mon travail, il y a les textes. Puis après, ben, je pense que j'ai à faire preuve de retenue aussi à un certain moment, puis le laisser lui prendre mes textes, se les approprier et me montrer sa vision du musée, puis sa vision du livre, puis son univers à lui. Donc, même s'il me proposait tout le temps les PDF pour que je dise oui, je disais juste oui, parce que je voulais mm-hmm. qu'il aille le plus loin dans ses idées. Là. C'est ça, que ça reste son appropriation. Oui, c'est son travail mm-hmm. aussi. Eh bien, vraiment, ça donne le goût, en tout cas, d'offrir ça en cadeau. Hein. Les fêtes arrivent, c'est un magnifique cadeau à faire à ses enfants, mais à se faire aussi, je pense. Et comme tu le soulignais, c'est un livre fort intéressant qui va rester très, très longtemps, je pense, aussi d'actualité là, ouais. dans le temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, en même temps, je dis que c'est pas la dernière fois qu'on va se parler parce que je fais une petite aparté en disant que j'aimerais bien qu'on se reparle de tes recherches sur Madeleine. La liberté, oui, parce que ça m'avait beaucoup accroché. J'ai vraiment plein de nouvelles choses en plus qui est depuis aujourd'hui même. Super, mais en fait, ce sera une belle occasion de se revoir à l'émission à Marie Bouchard. Merci beaucoup. Merci Audrey pour l'invitation. On en rappelle que c'est en librairie, disponible dès maintenant en librairie partout au Québec. Et Anne-Marie sera même, si vous passez par Montréal, au Salon du Livre. En fin de semaine. Oui, parfait. Alors nous, on s'en va rapidement en pause audio et on revient avec Jérémy Saint-Pierre. Thank you. D'entendre la pièce Claquette Box de l'Orchestre d'Homme Orchestre, bien sûr. Actuellement, à la Galerie Michel Guimond a lieu cette exposition du peintre Jérémy Saint-Pierre, Manifesté du Mirage. Et c'est une toute nouvelle série de tableaux et d'œuvres sur papier qui pose un regard d'actualité, bien sûr. Et on a au bout du fil Jérémy Saint-Pierre. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Alors, voilà, on avait envie de parler de cette nouvelle proposition, de ces nouvelles œuvres que tu nous présentes à la Galerie Michel Guimond. Donc, comme je soulignais, qui pose un regard sur, on pourrait dire, le contexte sociopolitique actuel, hein, ici, mais sous diverses formes. Parle-nous un petit peu de cette exposition-là. Peut-être, commençons par le titre « Manifesté du mirage ». C'est quand même assez intriguant. Oui, ben en fait, c'est pas tous des œuvres qui sont nouvelles. Il y en a une bonne partie, environ une dizaine. Mais c'est un corpus qui c'est sur environ un an et demi de production. Là. Donc, j'ai produit trois expositions, en fait, depuis la dernière année, donc qui s'appelait Spectre, et ça fait partie un peu de cette production-là. Donc, Manifesté du mirage, mais en fait, je le voyais un peu comme une figure de style, en fait, quelque chose qui sont pas... que les deux mots, en fait, ne fonctionnent pas vraiment ensemble. C'est comme une antithèse, en fait. Donc, c'est ça. C'est une production là, sur un an. En fait, je m'inspire beaucoup des images médiatiques actuelles, soit au niveau des journaux, Internet surtout, en fait. Puis, je m'inspire de ces images-là pour par la suite faire des montages qui vont me permettre de réaliser mes tableaux. Oui, ben justement, il y a des œuvres notamment qui parlent de politique américaine. Je pense notamment, c'est Sans lever le petit doigt, qui est quand même un très, très grand tableau qui, je pense, nous met en scène. Est-ce que c'est bien Sean Spicer? C'est-tu ça? Oui, ben c'est lui. Mais en fait, j'ai pas voulu vraiment qu'il soit pareil, en fait, parce que je me disais, ben dans un futur proche, lorsque je l'ai réalisé, en fait, il était encore au porte-parole, puis quelques semaines par la suite, là, il était déjà sorti. Fait que je me suis dit que je voulais pas vraiment donner une identité propre là, au personnage du tableau pour justement que le tableau lui-même puisse avoir plus d'impact aussi dans le futur. Donc, je me suis dit, mais effectivement, c'est une image qui sur laquelle je me suis inspiré pour réaliser. En fait, c'est sur le lutrin qu'on voit, c'est marqué The White House Washington, qui est effacé pour laisser place seulement à whitewash. Ça veut un peu tout dire. Oui, effectivement. Puis le contexte aussi dans lequel se trouve ce personnage-là aussi, un édifice qui semble s'écrouler. Enfin, c'est assez parlant. Et ça me permet de rebondir parce que dans ces propositions-là, on le sent qu'on est dans les contrastes, que ce soit par les couleurs qui sont à la fois des couleurs vives et d'autres qui sont des fois plus atténuées. Mais on est aussi, certaines ont des propos qui peuvent être très plus directs ou littéraux, alors que d'autres laissent vraiment libre cours à notre imaginaire. Est-ce que je me trompe? Oui, non, vous avez tout à fait raison, en fait. Sur le tableau White Trash, ben, en fait, je me suis beaucoup inspiré d'images qui me provenaient de la ville d'Alep en ruine. Donc, c'est l'ancien marché d'Alep qui est représenté en arrière-plan du personnage. Il y a beaucoup de ces ruines-là que j'ai utilisées pour avec des sortes de passages, des sortes de corridors, en fait, qui faisaient peut-être une sorte d'écho entre les différents éléments ou les différents motifs que j'utilise dans ma peinture pour qu'ils puissent un peu dialoguer ensemble dans le film. Donc, oui, effectivement, c'est sûr qu'avec les contrastes de couleurs, il y a parfois des côtés plus sombres. J'essaie de mettre plus en valeur pour justement est-ce que le regard du spectateur puisse être dirigé un peu, disons, vers certains éléments du tableau qui sont plus importants, selon moi. Mais... Oui. Et il y a aussi, dans certaines œuvres, quelque chose du rêve, je trouve, tant sur le plan formel, par la superposition de différents plans qui rendent un peu l'atmosphère floue. Même des fois, il y a quelque chose de fantomatique. Et si je peux dire, des effets de sfumato qui sont vraiment très intéressants. Sur le plan formel, moi, j'ai trouvé ça aussi très bien. Puis ces œuvres-là, je trouvais, avaient quelque chose de très onirique aussi. Oui, mais c'est un travail qui c'est une approche que j'utilise depuis environ là, 2011, lorsque j'ai fait une exposition qui était plus du dessin à l'époque, là, qui utilisait beaucoup le fusain. Donc c'est vraiment un travail en effacement de la figure. Puis j'essaie de vraiment essayer de m'en départir de cet effacement de la figure humaine-là. Puis finalement, elle revient tout le temps à chaque exposition. Mais c'est vraiment une façon que j'essaie de travailler la figure, en fait, avec une défiguration, avec des éléments plus fantomatiques ou en transparence même, des fois, par différentes trouées dans l'image. Là, je pense à certains tableaux que j'ai réalisés un tableau, en fait, que j'ai réalisé qui s'appelait Les Miniers, en fait. Donc, je travaille énormément par ces effets-là d'effacement, de défiguration. C'est vrai que ça peut donner un côté plus soit fantomatique ou justement du rêve qui est plus proche d'une, peut-être un peu du surréaliste, là, mais m'aventurerai pas jusque-là. Oui, mais je comprends bien et ça me permet de rebondir là-dessus parce que en regardant tes œuvres, je me demandais est-ce que tu as une inspiration stylistique? Parce que moi, je voyais une certaine proximité avec des peintres allemands, notamment. Oui, ben Daniel Richter, c'est sûr que j'ai été vraiment plus influencé à une certaine époque par Francis Bacon. Parce que je viens de vous dire, en fait, sur la défiguration, mais si on remonte un petit peu plus loin, le Goya, Francis Bacon, mais Daniel Richter, d'un point de vue contemporain, Adrian Guigny. C'est sûr que certaines personnes, surtout au Québec, vont me dire, c'est proche de Marc Séguin parfois. C'est sûr que dans certains éléments de la symbolique ou de la structure du tableau, ça pourrait faire penser à du Marc Séguin, mais c'est pas mal. Mais oui, les Allemands, peut-être les Allemands plus d'après-guerre. Puis par le côté peut-être aussi social qui est présenté, là, le caractère social de cette peinture-là, oui. C'est sûr que je suis très... en fait, je suis proche de l'idée de ce que Anselme Kiefer pense, réalise ses tableaux. Excusez, parce que ma fille est en train de crier. Il n'y a pas de problème. J'aimerais peut-être qu'on termine aussi en mentionnant qu'il y a également deux sculptures dans l'espace. Et ça m'a bien intriguée. Je voulais que tu nous en parles un petit peu. C'est ça, en fait. C'est drôle que tu me parles de ça, parce que justement, j'allais en venir à ça. C'est Anselme Kiefer qui j'avais entendu une entrevue à un moment donné à France Culture qui expliquait tout le moment, le travail qu'il faisait sur ses tableaux, où il prenait ses tableaux puis il laissait à l'abandon dans des containers pendant des dizaines d'années, puis des toiles d'araignée pognées dedans, puis ça m'avait percuté un peu à l'époque, puis en fait, c'est toute mon approche processuelle de mon travail qui vraiment près du travail de la marche, du travail de la déambulation urbaine, soit urbaine ou en forêt, en fait, qui m'ont amené à penser ou à réfléchir un peu différemment là, de ce que je fais présentement. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est que j'ai trouvé dans la forêt des monticules de vieux déchets à l'abandon, de vieilles cannes de peinture. Donc, je trouvais intéressant de reprendre ces objets-là laissés à l'abandon, puis de leur redonner un peu une certaine deuxième vie, je pourrais dire, par mon travail. Donc, c'est pour ça que la vieille canne de peinture qu'on retrouve, il y a encore tous les éléments de la forêt qui restent à l'intérieur. C'est ça. Avec des petites interventions que tu es venu ajouter aussi dessus, c'est ça? Qui sont venus rajouter, qui rappellent encore la provenance de l'objet, parce que en fait, ce qui est représenté, c'est un container à vidange sur la canne. Donc, puis avec des graffitis qui rappellent la peinture elle-même, donc l'objet qui rappelle la peinture, puis le geste de peinture sur l'objet. Donc, bref, en tout cas, c'est un travail qui m'inspire ou que j'essaie peut-être de peut-être un petit peu plus définir là, pour que ce soit plus clair. Mais dans les prochains mois, prochaine année, peut-être que j'aimerais travailler à partir de ces éléments-là, de ces objets-là, toujours dans un langage pictural, mais les utiliser, puis peut-être faire une exposition qui s'est... Je tenais, en tout cas, qu'elle soit dans l'exposition. Ben oui, c'est bien, parce que ça amène un petit élément, justement, on sent que c'est une exploration, une piste pour quelque chose à venir, certainement. Oui. Alors, j'invite tout le monde, bien sûr, à aller voir cette très belle exposition manifestée du Mirage à la Galerie Michel Guimond, et vous rappeler que c'est jusqu'à dimanche qu'on peut la voir. Alors, courez cette semaine pour aller ne pas manquer cette exposition. Jérémy Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous de l'invitation. Parfait. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye. Alors nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient de l'autre côté de la pause avec Anne-Sophie Homère et Émilie Porakia. CKRL 89.1. À découvrir sur la fabrique culturelle. Le dark art, ça fait très longtemps que ça existe. On pense à des vieux peintres comme Caravage, Bosch, Goya. Le côté obscur de l'art, d'après Patrick Anctil, sculpteur de dark art. J'essaie de faire des objets dans lesquels on sent qu'il y a un esprit, qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Comme s'il y avait une présence, comme s'il y avait une entité. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyne Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Pourquoi être membre de CKRL? Parce que vous êtes un épicurien et aussi parce que vous économisez 10% au restaurant Le Fin Gourmet, 774 rue Raoul Jobin. Devenez membre sur CKRL.qc.ca. Et on est de retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Je suis en compagnie de Anne-Sophie Homère. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Et Émilie Porakia. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Alors, vous êtes allée voir cette exposition Recoudre au Centre Materia qui met en scène deux figures importantes des arts textiles du Québec. On parle ici de Carole Baillargeon et de Mireille Racine. Carole Baillargeon, qu'on connaît davantage pour son travail à la fois à la limite des arts visuels et des métiers d'art, et Mireille Racine pour être une magnifique chapelière, si je peux dire, vraiment nous donner de magnifiques productions en chapeau. Voilà, vous êtes allé voir chacune de votre côté l'exposition et vous aviez envie d'en parler, mais sans vous avoir parlé préalablement, là. Ben, en fait, on n'est pas allé chacune de notre côté, on est allé en même temps. Ah bon, ben c'est bien ça. Exactement. Pour restituer, on était plus dans une option shopping, puis on s'est dit, tiens, on va finir à Materia, regarder Recoudre. Tu vois, donc on était vraiment dans le textile, puis on est allé toutes les deux. et avec l'idée de ne pas s'en reparler. Donc, jusqu'à depuis, maintenant. Pas de café, pas de pause dîner ensemble, on ne s'est pas parlé depuis. D'accord. Exactement, parce que bah, pour livrer vraiment en primeur nos impressions et puis pas tout mm-hmm. ça, un petit peu... Vas-y, avoir... commence. Oh, écoute, merci. Donc, en fait, c'est ça. Moi, Materia, je vais le dire, avec une toute petite gêne, c'est pas le centre que je visite tant que ça. Donc, mm-hmm. J'avoue qu'à chaque fois que j'y vais, je suis toujours émerveillée par la disposition, par les propositions. Effectivement, je trouve que les métiers d'art, c'est pas quelque chose qu'on met trop de l'avant, malheureusement. Pourtant, il y a tellement de belles pièces, tellement de belles œuvres qui en dégagent. Et effectivement, donc là, ces propositions de Carole Bayargent et Mireille Racine de recoudre. Donc, chacune à leur manière exprime un peu cette thématique-là qui est de coudre et de recoudre finalement quelque chose. Mireille, elle, va plus être dans la chapellerie, comme tu le disais, mm-hmm. donc avec des chapeaux, on va le dire, qui sont travaillés afin d'exprimer quelque chose un peu à leur manière. Et elle veut chercher aussi une matière, elle voulait pas quelque chose de neuf et de lisse et de beau. Elle, ce qu'elle va chercher, c'est surtout les imperfections. Donc c'est souvent intéressant. Et la pièce que moi j'ai trouvée la plus intéressante, c'était le cercle rouge au-dessus des différents chapeaux. Cercle qui a été fait par des enfants lors de l'exposition au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc elle avait récupéré cette confection-là. Donc c'est un peu solaire, qui est au-dessus du chapeau, donc des différents types de chapeaux. Donc je trouve ça assez intéressant comme disposition. Mais mon coup de cœur, ça reste Carole Bayargent avec sa proposition en trois tableaux. Attends, dis pas tout. Oh, je vais te laisser. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis par rapport à Mireille. C'est vrai que l'utilisation aussi de matériaux qu'on n'utilise plus beaucoup, comme elle utilise la sparterie, qui est en fait mm-hmm. un matériau que tu mouilles et que tu le moules. Normalement, ça sert à l'intérieur des chapeaux, mais elle l'a utilisé directement comme matériau. Donc là, mm-hmm. il y a certains chapeaux qui, selon les époques, elle les a refaits, on va dire, en version 2017 avec toujours ces matériaux plutôt anciens. Et on les voit un petit peu d'une autre façon. C'est bien effectivement de relier art visuel comme ça et puis maison des métiers d'art avec cet aspect plus technique, on va dire. Mais c'est vrai que tout ce côté qu'on retrouve dans les deux, ce côté oui. zen, japonisant, avec justement ce gros cercle rouge rappelant le drapeau japonais, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Mais ça, c'était avant de te dire aussi que j'avais un coup de cœur pour Carole Bayargent. Oui, mais peut-être juste avant qu'on passe à Carole Bayargent, juste savoir, moi je ne l'ai pas vu, mais les chapeaux, est-ce que c'est des chapeaux qu'on peut porter ou c'est davantage des chapeaux artistiques, un peu comme la bijouterie contemporaine? Le bijou contemporain, c'est pas toujours fait pour porter. Exactement. Ça dépend où tu vas, Audrey. Oui, d'accord. Mais beaucoup de pièces sont plus artistiques qu'autre chose. Il y a quand même des chapeaux qui représentent. Il y en a un exemple que je cite beaucoup, qui, je pense que le titre, c'est Apiculture. Donc, il est comme monté à l'envers avec une espèce de grille qui rappelle un peu le grillage que les apiculteurs puissent porter, mais qui fait aussi, moi ça m'a fait penser à la ruche puis les abeilles où elles mettent le miel, etc. Mais ça, c'est purement esthétique, c'est vraiment une œuvre d'art. Moi, mm-hmm. je vraiment dirais une œuvre d'art. D'autres chapeaux où je pense pourraient être portés par des épingles ou quoi que ce soit, mais vraiment, c'est vraiment plus artistique qu'autre chose. Un peu comme tu citais certains bijoux en joaillerie qui sont plus esthétiques qu'autre chose. Il y a une vraie fragilité dans les pièces que tu ressens. Il y a des choses, je me dis, s'il y avait un coup de vent ou n'importe quoi, puis ces petites feuilles délicates avec justement des matériaux fragiles, qu'on ressent justement dans le thème de cette exposition, quoi, qui est vraiment se relever, le fait de se recoudre, il y a un aspect fragile. Voilà. Oui, effectivement, oui, c'est très bien de souligner cette idée-là, de ce rapport à la fragilité versus le fait qu'on recoud quelque chose. Oui, d'habitude, on souhaite que ce soit solide, mais c'est jamais aussi solide que l'original, finalement. Puis c'est l'imperfection aussi que je disais un peu, j'ai fait des recherches sur Mireille. Elle va chercher aussi ce côté d'imperfection. Donc, il y a certains chapeaux qui sont faits avec des tissus qui sont tachés. Donc, elle n'est pas chercher un tissu tout beau, tout propre. Non, c'est les taches qui font que bah, ce chapeau-là, il a quelque chose de particulier. Donc, oui. C'est un peu les êtres humains avec les épreuves que l'on a, bah, ça fait l'être humain qu'on est par la suite. Donc, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de liens comme ça avec l'être humain qu'on va retrouver aussi chez Carole par la suite. Donc, je pense que c'est un lien que les deux, on peut un peu le fil conducteur, le fil d'Ariane avec les deux expositions, en tout cas de ce que moi j'ai ressenti vraiment beaucoup. Mais c'est justement ça que moi j'ai aimé dans le travail de Carole Baillargeon pour faire enfin le pont entre les deux. Et c'est vraiment cet aspect. Déjà, je trouve que ces petits objets ils ressemblent un petit peu à des organes, à des cœurs qu'on aurait voulu recoudre. Et je trouve ça super poétique de finalement d'emballer son cœur de laine, de tissu, de ficelle. Et avec ces trois étapes, les éprouver, les endeuiller, les résiliences. Et moi j'ai eu ce coup de cœur pour ces 112 pièces là parce que autant je les ai trouvées belles, mais elles étaient prenantes par le côté deuil, tu sais, ces petites choses noires là. Oui, puis elles sont toutes les trois tableaux, on l'a dit vite fait, mais il y a comme un tableau qui est les éprouver, donc c'est vraiment le côté bon, ben l'épreuve qu'on est en train de vivre, la blessure qu'on est en train de penser, et toutes les matériaux. Donc c'est des différents types de ciseaux, donc il y a des ciseaux de couture, il y a des ciseaux tout type de ciseaux là, mais qui sont emmaillotés par du tissu, puis chaque emmaillotage, il y a comme des surpiqûres par la suite. Donc c'est sûr que les fans de couture ou qui connaissent un petit peu ça vont retrouver un peu les différents points. Il y a toujours ce petit lien aussi avec la couture évidemment, mais ça c'est vraiment le système du pansement qu'on va mettre sur notre blessure. Le deuxième tableau qui est les endeuillés, comme disait Anne-Sophie, sont emmaillotés de la même manière, mais c'est noir, tout est noir, donc c'est des pansements noirs, c'est du fil noir, c'est donc c'est vraiment on est en train de traverser le deuil. Et à la suite, il y a les résilients, donc les plus forts, et on voit que le type de ciseaux, c'est pas les mêmes que les deux premiers, c'est plutôt des pinces, des grosses pinces, des matériaux plus résistants, plus nobles. Et l'emmaillotage est pas fait de la même manière, c'est plus du coton ou de la laine ou quelque chose de plus, il y a quelque chose d'autre qui se dégage. Et moi ce que j'ai apprécié également, c'est que avec chaque tableau, il y avait comme une phrase à la fin, qui faisait beaucoup lien avec le monde du travail, avec les travailleurs. Et donc, par exemple, dans le deuil, il donnait des statistiques dont je me souviens plus exactement, mais tant de pourcentage de personnes vont falloir qu'ils fassent le deuil dans leur vie de leur travail. Parce qu'il y a des postes qui, malheureusement, avec le modernisme, vont finir par disparaître. Donc, il y a tout ce deux... Ces deux lectures que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. Cette autre couche aussi qui vient ajouter aux œuvres. Exactement. Exactement. Puis Carole Baillargeon, qui est quand même habituée à faire des grosses œuvres. En tout cas, moi, ce que j'avais vu d'elle, c'était quand même des grosses installations. Moi, j'étais étonnée. Ça prend comme trois grands murs de matériel. C'est quand même... Sur imposant, l'espace, c'est grand, imposant, mais c'est des toutes petites pièces délicates. Mais c'est vrai que dans cette troisième partie sur la résilience, ce que j'ai aimé aussi, c'est la touche d'humour. Finalement, elle est un peu pesante, la partie deuil, la partie noire, où il y a beaucoup d'émotions personnelles qui peuvent ressortir. Mais la dernière partie, la résilience, il y a beaucoup de petites touches d'humour. On retrouve des petits personnages, des petits animaux. Il y a Titi et Grosminet qui est disposé dans un. Donc, on ressent comme, effectivement, un nouveau souffle. Le fait qu'elle ait fait ça avec ces trois étapes-là, on ressent vraiment la différence entre les trois. Et on voit vraiment le cheminement d'une pensée, d'une personne, d'une émotion. C'était vraiment mon coup de cœur parce que... Comme la dernière que j'avais vue à Materia, déjà, qui était vraiment sur la résilience et le fait de rebondir sur une épreuve passée, de se reconstruire après des fissures. C'est pour ça que j'ai un petit coup de cœur pour Carole Baillargeon, sur cette exposition en tout cas. Oui, mais c'est vrai qu'en discutant entre les deux, je me rends compte que même Mireille, il y a aussi ce travail-là avec le lien avec le monde du travail. Oui, si je prends l'apiculture, il y a d'autres chapeaux. Donc, il y a vraiment des points de similitude entre les deux expositions. Les deux ont montré un peu leur manière, leur savoir-faire en métier d'art, mais on retrouve vraiment la limite métier d'art, art visuel. Oui. Moi, je trouve qu'on la voit de moins en moins. En tout cas, là-dessus, moi, j'ai vécu ça plus comme art visuel que métier d'art. C'est vraiment très personnel comme point de vue. Mais c'est toujours intéressant de voir les métiers d'art sortir aussi de l'aspect fonctionnel. Tout à fait. Pas que je dis que c'est pas intéressant, mais c'est le fun de voir jusqu'où on peut explorer avec ces matières. Et aussi, de l'art textile, on peut pas dire qu'on en voit aussi très souvent, surtout de la chapellerie. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on voit pas... peu souvent ici, mm-hmm. surtout à Québec, là, peut-être ah, oui. ailleurs. Mais c'est intéressant, toute cette approche-là. Puis aussi, comment c'est quand même intéressant d'avoir aussi deux artistes établis. Hein, oui, aussi quand fait. Même avec une mm-hmm. carrière oui. très dans quand même de plusieurs de ah, nombreuses oui, les deux, années oui. hein, quand les même. Deux sont très prolifiques mm-hmm. ont vraiment une carrière à plus savoir. Non mais c'est ça, puis il y a une atmosphère très très feutrée, très douce oui. très c'est pas pesant, c'est très oui. zen. Bah toute en la fait. Philosophie zen ouais. c'est vraiment le lien entre les deux, c'est oui. la philosophie zen, il y a effectivement la valorisation des imperfections dans le travail de l'une ou dans le travail de l'autre, et puis effectivement toute cette maladresse finalement de l'être humain et de dans les métiers d'art comme ça. En tout cas, c'est une belle pause à faire, oui. faire oui. un tour à Matéria. Ben, c'est intéressant aussi que tu as évoqué tout à l'heure, Anne-Sophie. Je pense qu'il y a beaucoup une charge très humaine dans la programmation oui, cette vraiment. Année à oui. Matéria, en tout cas dans quelques expositions qu'on a mm-hmm. vues. Donc vraiment, j'aime ça quand on peut aborder les métiers d'art mm-hmm. aussi avec ça, parce qu'en même temps, ça reste que c'est le fait main. C'est fait par une personne, donc il y a toute une transmission mm-hmm. de symbolisme et d'émotion aussi au oui, travail. Puis je pense que beaucoup de personnes oublient un peu le côté artisan. On fait beaucoup l'apologie de l'artisanat, faire mm-hmm. le fait main, acheter local, etc. Mais c'est des orfèvres quand même, je veux dire, même si sans revenir au chapeau, il y a des chapeaux qui se portent, mais c'est vraiment de l'orfèvre, c'est délicat, les points, pareil pour les bijoux, n'importe quel style. Donc souvent on l'oublie, et je pense qu'avec ce type d'exposition là, ben ça fait un peu rappeler que ben oui, le fait main, l'artisanat, le métier d'art, ben c'est aussi de l'art quelque part. En tout cas c'est ce qui est venu me chercher avec ça. Ben, je suis ravie d'en avoir parlé avec toi. Ben, moi aussi, je voulais rappeler aussi les dates d'exposition. Oui, donc, ça a commencé le 3 novembre, ça se termine le 17 décembre 2017. Donc, allez faire un tour, vous allez voir, c'est une petite pause zen assez sympathique à faire avant les fêtes de Noël. Oui, si je ne m'abuse, je pense que c'est ouvert du mercredi au dimanche aussi, oui. entre... Oui. De midi et 17h. Oui, exactement. Ouais. Donc, voilà, ça peut bien faire aussi sur la pause lunch. Exactement, exactement, dans la frénésie. Des trucs de Noël là, bah, aller faire un petit tour. Puis ils ont fait une petite espace boutique comme d'habitude oui, aussi où on peut acheter des bijoux, mm-hmm. oui, des beaux cadeaux aussi à faire pour Noël. Donc, bien, on merci. Vous le conseille. Ben, c'est super, vraiment, vous nous avez donné envie d'aller voir cette exposition là. On le rappelle, Recoudre au centre Matéria, et c'est Carole Baillargeon et Mireille Racine. Émilie Porraquia et Anne-Sophie Omer, merci beaucoup. Merci Audrey. Parlé. Alors, on s'en va toujours écouter en musique l'orchestre de mon orchestre, et cette fois-ci, c'est Lustre à flûte. Cette émission, je voulais faire un petit tour d'actualité rapidement, parce qu'on a appris une nouvelle dans le Soleil de cette fin de semaine, que une partie de l'œuvre de BGL qui a été présentée à Venise, intitulée Canadassimo, donc la section atelier, a été acquise par le collectionneur Marc Bellemare. Donc, une pièce vraiment grandiose qu'on avait pu voir à l'occasion de Manif d'Art 8 cet hiver, justement. Oui. On avait vu donc cette très belle œuvre qui nous rappelait une portion de ce qui avait été de l'installation qui avait été présentée lors de la Biennale de Venise. Et c'est, à vrai dire, une installation que le collectionneur souhaite faire voyager un peu partout, justement, parce qu'on ne se cachera pas, c'est pas quelque chose qu'on met chez soi, hein, une œuvre d'envergure comme ça, mais en même temps, j'ai trouvé ça extrêmement, vraiment un beau geste de dire on va faire circuler cette œuvre-là pour qu'elle soit vue par le plus de monde, hein, aussi, parce que veux, veux pas, c'est pas aussi tout le monde qui a pu avoir l'occasion d'aller voir ça à Venise. C'est une œuvre, donc l'atelier qui nous montre un peu l'univers d'un tenancier de dépanneur, hein, parce que c'était ça, on entrait dans le dépanneur à Venise, et par la suite, ça nous menait à cet atelier, donc, de ce tenancier de dépanneur qui était en quelque sorte un artiste amateur dans ses temps libres, qui collectionne et récupérait toutes sortes de, surtout du canage, hein, des cannes de conserve, et en faisait des œuvres d'art ici. Alors voilà donc un beau coup, il faut le dire, autant pour BGL, là, à qui doit être très heureux de cette acquisition importante, et bravo aussi à Marc Bellemare. Vous pouvez lire ça dans Le Soleil, là, c'est Josiane Desloges qui a fait paraître cette nouvelle. Et également, je voulais aussi vous inviter à aller sur le site de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une pétition actuellement pour le réinvestissement dans les organismes culturels. Donc, si vous considérez que la culture est importante pour vous et amène en matière, est importante pour le patrimoine collectif et tout, enfin, si la culture tout simplement est importante pour vous, c'est sur le site de l'Assemblée nationale qu'il faut aller. On demande un réinvestissement, donc, notamment dans la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Musée de la civilisation, Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et les services documentaires multimédia. On invite à bonifier les offres qui sont aux tables de négociation pour ces organismes. Enfin, vous avez jusqu'au 25 novembre pour aller signer cette pétition, donc, sur le site de l'Assemblée nationale. Eh bien, on va terminer l'émission avec quelques événements à ne pas manquer cette semaine. Ce jeudi, c'est le finissage de la résidence de Kélic Berga, un artiste de la Catalogne, à la Chambre Blanche, et c'est dans le cadre d'un échange avec le Centre Bolit de Gérone. Et c'est aussi reçu le soutien de l'Institut Ramon Llull. Et Berga, il faut le rappeler, s'intéresse à l'éthique et la poétique des interfaces logicielles, et on va pouvoir voir justement qu'est-ce qui a émergé de cette résidence, donc lors de ce 5 à 7 jeudi le 16 novembre à la Chambre Blanche. Sinon, ce jeudi, il y a l'encan d'œuvres d'art de l'atelier de la mezzanine à compter de 18h au studio d'essai de Méduse. C'est un événement bénéfice, bien sûr, pour l'atelier de la mezzanine. 26 œuvres sont à vendre. Ce sont les artistes de l'atelier ainsi que les accompagnants artistes, dans le fond, qui sont avec eux au quotidien. Il faut rappeler que l'atelier de la mezzanine est un espace de création pour les gens qui sont parfois marginalisés ou qui ont vécu des problèmes de santé mentale. Eh bien, on va pouvoir découvrir justement ce travail et en acquérir aussi. Et c'est vraiment un événement important pour l'atelier de la mezzanine. Alors, je vous invite à aller voir. Et c'est animation de Michel Marcoux que vous entendez aussi sur les ondes de CKRL à l'occasion. Également vendredi, vernissage de Sherry Boyle, une artiste canadienne de renom. C'est une exposition qui a été très attendue et s'est présentée à la Galerie 3. Il faut rappeler aussi que Sherry Boyle a exposé et a représenté le Canada à la Biennale de Venise en 2013. Et elle nous présente sa toute première exposition personnelle depuis 2 ans. Je pense qu'elle travaille à cette exposition-là. Donc vraiment un gros projet qu'il faut aller découvrir à la fois fois des dessins et des porcelaines qui font bien sûr la renommée de cet artiste. Et c'est une réflexion inspirée, entre autres, des classiques littéraires et cinématographiques, dont Les Enfants du Paradis de Marcel Canet et Charlie Chaplin, le théâtre Kabuki, également font l'objet de cet hommage, justement, qu'elle rend à ces artisans-là. Alors, à découvrir. Sinon, le lieu vous présente aussi le travail performatif et installatif de l'artiste taïwanaise Li Pingting ce vendredi, et c'est à compter de 19h qu'il y aura le vernissage. À noter qu'en plus de la résidence qu'elle a réalisée et de l'exposition qu'elle nous propose, elle va présenter des performances aussi tout au long de la fin de semaine, donc de jeudi à dimanche. À chaque après-midi, elle sera en performance, mais aussi il va y avoir le 15 décembre une soirée de performance avec les participants du workshop qu'elle a donné il y a quelques jours seulement. On vous en reparle à l'émission. Et sinon, c'est la dernière semaine pour découvrir Manifester du Mirage de Jérémy Saint-Pierre à la Galerie Michel Guimont et Casse-tête territorial à Espace Galerie Pacherpa. Je remercie mes invités Anne-Marie Bouchard et Jérémy Saint-Pierre ainsi que mes collaboratrices Émilie Poraquin, Anne-Sophie Homère et Simon Roy. La mise en onde est assurée par Jacques Gignac, le John Lyman de la console. Salutations à Jean-Tien de la France, ma comparse de cette émission que j'ai bien hâte de retrouver dans ce studio cet hiver. Et demeurez à l'écoute car Pierre Blais et toute son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation critique qui est en direct de la Ninkasi. Audrey Carreau qui vous dit à la semaine prochaine, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. À voir ce mois-ci au cinéma Le Clap. Glory dès le 3 novembre. La mise à mort du cerf sacré dès le 10 novembre. L'Étoile de Noël dès le 17 novembre et The Square dès le 24 novembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Cet automne, dans un monde où le malheur persiste et s'impose... Je veux être professeur. Professeur de piano, Patrice. Découvrez la tragique histoire de Jacqueline Bel-Enfant et son désir de changer de vie. Il est sourd pour vrai, là! Comment voulez-vous qu'il joue du piano, madame? Une histoire d'espoir. Non. Madame Beethoven est devenue sourde. Détour Nazareth présente... Pour une première fois dans ma vie, j'ai l'impression que les choses peuvent prendre une nouvelle tournure. En collaboration avec Premier Acte... C'est quoi ça? C'est quoi cette ville de fou? Abadou veut jouer du piano. Du 7 au 25 novembre, premieracte.ca. L'Harmonie de Charlebourg, sous la direction musicale de François Dorion et l'Association des traumatisés crâniens des Deux-Rives, s'unissent pour vous présenter le concert Italia. Voyagez au rythme d'art italien tels que la Piccola Suite Italiana de Franco Cesarini, Vesuvius de Frank Ticheli et bien d'autres. Le concert Italia de l'Harmonie de Charlebourg le 18 novembre 20h à l'église Saint-Jérôme de Charlebourg. Réservation au 418-660-7544. Informez-vous sur harmoniedecharlebourg.ca/billetterie et sur leur page Facebook. Une œuvre imposante et marquante. Le dimanche 19 novembre à 14h30, au Grand Théâtre, l'Orchestre symphonique de Québec interprétera l'œuvre la plus célèbre du répertoire symphonique, la 5e de Beethoven. Les enfants de 6 à 12 ans pourront profiter de la garderie gratuite de l'orchestre et de son atelier musical. C'est un rendez-vous le 19 novembre. Hydro-Québec, partenaire de saison. Le 18 novembre prochain,